Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre avec les animaux, une série de Marie Chartron réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a ce territoire qu'on partage avec nos voisins omniprésents que sont les animaux. Et cette envie d'en savoir plus sur les liens qu'on tisse parfois sans le savoir ou au contraire de toutes ses forces quand il s'agit des chiens. Alors pour commencer, les personnages. Un guide très au point, un archéozoologue qui creuse, un historien des biographies animales, Milou, des chiens errants, un chercheur de terrain et une chercheuse qui aime les chiens. Ensuite le décor. Un cimetière, de fidèles compagnons, le Second Empire, la SPA, les steppes, des loups, des chiens, Moscou, Constantinople, des meutes, 80 000 chiens, une île déserte, des déportations et des guerres. Aujourd'hui, 4e épisode, on écoute une archive. Certains de nos semblables entourent d'une sollicitude toute particulière leurs amis les bêtes, même après leur mort. Chien fidèle et paria du pavé. Au nouveau cimetière d'animaux de Villepinte, un monument a été élevé à la mémoire de Frisette, la petite chienne victime de la science sidérale, première voyageuse et première martyre de l'espace. Quelques bêtes de noble race, leurs maîtres en laisse, avaient tenu à inaugurer personnellement ce monument dédié à la tendresse qui unit souvent les hommes et les bêtes. Cette même tendresse qui rapproche les êtres les moins faits pour s'entendre. Ainsi, cette chatte a adopté 7 lapereaux qui avaient perdu leur mère. La nouvelle mère et les enfants se portent bien. Particulier, un cimetière d'humains, vous allez voir, hein, parce que ça n'a rien à voir avec un cimetière humain, en fait. Hein, notamment les épitaphes qui sont des vrais messages d'amour qu'on ne trouve pas sur les tombes. C'est assez particulier. Voilà. Nous venons donc de franchir le portail assez imposant de ce cimetière des animaux d'Asnières, ouais. En votre compagnie, Didier Chatin, Asnières, au bord de la Seine, entre les bateaux, les voitures, les métros, quelques petits oiseaux qui arrivent à se faire entendre. Ouais. C'est un endroit bucolique hein, quand même. Bon, là, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, mais sinon, c'est vrai que c'est un petit espace vert. Il faut savoir que ce cimetière, il est né en 1899, donc il a 121 ans exactement. C'est une idée qui a germé dans la tête de deux personnalités. Marguerite Durand, qui était à la base une comédienne, hein, qui est entrée d'ailleurs un temps à la Comédie Française, et puis qui ensuite a évolué vers le journalisme, qui est devenue journaliste féministe, qui a créé un journal entièrement rédigé par des femmes, qui s'appelait La Fronde, et qui était une amoureuse des animaux. Et puis un homme qui s'appelait Georges Armois, qui était avocat publiciste. Et c'est eux deux qui ont eu cette idée de créer ce cimetière. Faut remonter donc au 19e. L'animal, c'était surtout considéré comme utilitaire. On l'utilisait pour des travaux. Et la première action qui a été faite en faveur des animaux, c'est la création de la SPA. Alors, c'est pas les Français, hein, c'est les Anglais, en 1821, qui vont créer la première SPA, Société Protectrice des Animaux, dans le but de protéger hein, l'animal de la maltraitance. Et nous, on a suivi hein, en 1845, donc la France a également créé la SPA. Mais le problème qui s'est posé, c'est que petit à petit, on a vu arriver l'animal de compagnie. Et c'est là que ça a commencé à poser des problèmes par rapport à la mort des animaux. Qu'est-ce qu'on fait des animaux quand ils meurent? La règle, en fait, c'était de l'emmener chez l'équarisseur. Et bien souvent, les Parisiens ne se cassaient pas la tête. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jetaient l'animal aux ordures ou ils les jetaient dans la Seine. Donc ça posait des problèmes d'hygiène, problèmes de santé publique. Et donc il y a une loi qui a été promulguée le 21 juin 1898 pour réglementer un peu plus l'enterrement des animaux, à savoir enterrer un animal à au moins 1 mètre de profondeur et à au moins 100 mètres d'une habitation. Ce qui n'était pas vraiment évident non plus à Paris. Et c'est là donc qu'est venue l'idée de créer un cimetière des animaux, ce qui n'existait pas. Mais c'est vrai que ça n'a pas été accueilli à bras ouverts, la création de ce cimetière. On trouvait ça complètement absurde. Le long des allées de gravier bien entretenues, de monuments funéraires imposants en petites pierres tombales, les biographies défilent. Barry, le Saint-Bernard qui sauvait les égarés au XIXe siècle, dans les Alpes suisses et italiennes. Rintintin, le héros de la Première Guerre mondiale. Beaucoup de chiens, des chiens fidèles sans doute, attachés à leur humain. Chiens de travail qui sillonnent les champs de bataille, recherchent les accidentés en montagne, reniflent les explosifs, servent Dieu aux aveugles. Chiens au foyer, qui accompagnent Monsieur X ou Madame Y dans chacun de leurs déplacements. Toute une vie de chien. Il y a peu, on a découvert dans le permafrost sibérien, au nord-est de Yakoutsk, un chiot bien préservé mort il y a 18 000 ans. Et les scientifiques semblent ne pas pouvoir trancher sur sa nature. À la fois loup et chien, entre chien et loup. Ils l'ont nommé Dogor. Pourquoi avoir quitté les steppes, les forêts, traversé aux aguets peut-être, il y a très longtemps ? Jean-Denis Vigne, archéozoologue et directeur de la recherche du Muséum national d'histoire naturelle, apporte quelques éléments de réponse. Alors, le loup est d'abord a vécu pendant des milliers d'années au contact de l'homme. Le loup, c'est un chasseur qui sait chasser en groupe, c'est un animal social comme l'homme, et les chasseurs-cueilleurs préhistoriques humains avaient un mode de vie qui était finalement assez proche de celui des meutes de loups. Ils se sont rencontrés, bien entendu, ils ont fréquenté les mêmes sites, les mêmes grottes, ils se sont succédés dans ces grottes. Ils ont peut-être même partagé des proies, le premier homme ou loup ayant abattu une proie, le second homme ou loup ayant profité des restes du précédent. Peut-être qu'on peut même imaginer qu'ils se soient volontairement ou non entraînés dans la chasse. Donc il y a une longue histoire qui est née finalement d'une certaine convergence écologique entre homme et loup. Alors ensuite, les scénarios qui ont amené le loup à se rapprocher de l'homme et finalement à devenir chien, ceux-là, on ne les connaît pas, l'archéologie ne nous les donne pas. L'archéologie nous donne des lieux et des dates où on voit apparaître les premiers loups transformés en chiens, c'est-à-dire des canidés qui finalement ont réduit de taille considérablement et ont commencé à entrer en familiarité avec l'homme, c'est-à-dire à créer une société commune. Parce que c'est pas simplement le loup qui vient chez l'homme, mais c'est aussi l'homme qui modifie sa structure sociale, ses comportements, pour accepter et, entre guillemets, faire le meilleur usage, mais avoir les meilleures relations possibles avec ces quelques individus de loups qui vont entrer en familiarité avec l'homme. Alors les questions les plus faciles pour l'archéologue, c'est où et quand. Donc où, dans plusieurs endroits de l'Eurasie. On est maintenant certain qu'il y a eu un processus de domestication en Europe occidentale, peut-être même sur l'actuel territoire de la France, où on voit apparaître très tôt les premiers chiens, au Proche-Orient et puis en Extrême-Orient, mais peut-être aussi à d'autres endroits qu'on n'a pas encore identifiés. Tout cela date grosso modo d'une tranche de temps située entre il y a 15 000 à 12 000 ans. Comment ? Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. On a quelques informations qui nous viennent de l'éthologie, de la connaissance des comportements des hommes et des chasseurs-cueilleurs et des loups, qui nous permettent d'évoquer plusieurs scénarios. Ça peut être une entraide à la chasse, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi le simple fait qu'on recueille des jeunes loups et puis qu'on les élève dans le village, comme font énormément de sociétés, ou faisaient énormément de sociétés de chasseurs-cueilleurs dans des actes qui étaient des actes ritualisés, hein, où on s'appropriait des animaux sauvages, où on les élevait dans la famille exactement comme des enfants. Parfois, on les allaitait comme des enfants. Ça peut être une explication aussi, puisqu'on connaît des exemples ethnographiques de ce type. Et puis, ce sont aussi des animaux qui échangent avec l'homme. Le fait d'entrer en familiarité, comme je l'ai dit, c'est fondé sur un langage commun. C'est ça qui caractérise la domestication, du moins chez les carnivores évolués comme chiens et loups. C'est qu'il y a un langage commun qui s'établit peu à peu entre hommes et chiens et qui leur permet de communiquer, de se comprendre. Ce sont des postures. C'est l'aboiement, hein, qui n'existe pas chez le loup, qui est un langage dirigé vers l'homme. C'est aussi tous ces mots qu'on emploie encore aujourd'hui vis-à-vis des chiens, de nos chiens. C'est pas simplement une relation écologique ou une entraide matérielle, c'est vraiment de l'affectif. Toutes ces postures, tous ces regards furtifs parfois, sont des éléments de communication qu'on n'a pas avec des loups, même des loups apprivoisés. C'est quelque chose qui est apparu dans les chaînes comportementales des premiers chiens et qui s'est développé évidemment au fur et à mesure de cette très longue histoire commune avec l'homme. Et parmi les preuves qu'on a des tout premiers chiens, il en est une qui est particulièrement remarquable à cet égard, c'est la découverte d'une tombe en Palestine où un jeune adulte est enterré avec dans sa main ou sous sa main un jeune chiot. Et ça évoque véritablement un lien, je dirais, d'animal de compagnie. Alors ce lien, il est dans la mise en scène funéraire, ça veut dire qu'il est pensé, il n'est pas forcément réel dans la vie de tous les jours. Mais rien que le fait qu'il soit pensé, qu'il soit mis en scène dans cet ensemble funéraire, ça montre à quel point la proximité pouvait être forte, en particulier avec des jeunes animaux. Éric Baratet. Si vous lisez le premier Tintin aux Soviets, lorsqu'il apparaît en 1929, eh bien Milou monte en voiture, il prend le train, il va au restaurant, il peut monter sur un fauteuil, etc. 95% des chiens ne connaissent pas ça à l'époque. Milou représente une minorité qui est le chien de compagnie, et le chien de compagnie bourgeois. Et Milou, du coup, va devenir un des agents extrêmement importants de la diffusion du modèle du chien de compagnie. Dans les années 60-70, finalement, on peut dire que les chiens réels sont devenus des milous. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'Hergé en prend compte et il a tendance, dans les derniers albums, à faire de Milou un chien comme les autres, qui a le droit, par exemple, d'aller chercher des os, alors que dans les premiers albums, il n'a pas le droit. Un bon chien fidèle, un bon chien de compagnie ne doit pas aller tétérer des os comme un vulgaire chien errant. Et vous avez des albums, je ne sais plus dans lequel, où Milou vole, hein, je crois, un ours dans un muséum d'histoire naturelle, puis s'enfuit sur le trottoir, et hop, vous avez tous les chiens errants et divagants qui lui courent après. Et Tintin ne veut pas en entendre parler. Un chien de compagnie, il est à part. Hein. Et à la fin, dans les derniers albums, dans les années 60-70, Milou a très bien le droit d'aller chercher des ours, parce que finalement, tous les chiens de compagnie ont des ours, c'est pas des chouards que manger un ours. Et donc, Milou, finalement, il annonce l'avenir des chiens. Et autant il est très minoritaire en 1929, et autant il représente tous les chiens dans les années 60-70. C'est un chien extrêmement intéressant pour ça. On l'appelle le cimetière des chiens, mais en fait, c'est plutôt un cimetière de toutes sortes d'animaux. Hein. Dès le début, hein, d'ailleurs, hein, dès le début, quand on va ouvrir ce cimetière, il y aura ce qu'on appelle quatre quartiers. Il y aura le quartier des chiens, le quartier des chats, le quartier des oiseaux et le quartier des autres animaux. On trouve des chevaux, on trouve singes, tortues, toutes sortes d'animaux. Hein, cochon d'Inde. Oui, tout à fait. Alors là, Tipsy. Tipsy, c'est un petit caniche, alors une superbe tombe, hein, avec un grand cœur. La maîtresse de ce petit chien, c'était une milliardaire américaine. Il faut savoir qu'on vient du monde entier, hein, enterrer son animal ici. Elle l'avait fait enterrer avec un collier de diamants, d'une valeur de 9000 euros. Donc la tombe a été profanée, on a retrouvé le chien, on n'a pas retrouvé le collier. Voilà, face à une petite pierre tombale en marbre noir. cassé d'ailleurs. Et le 15 mai 1958 a été enfoui ici un chien errant, venu mourir aux portes du cimetière. Attention, changement de décor. Moscou, 14 millions d'habitants, des rues à 8 voies, une ville qui ne s'arrête jamais. Certains yeux avertis se sont posés sur les parias du pavé. Le biologiste Andrei Poyarkov, un spécialiste des loups habitué à courir les forêts, a abandonné un temps son habitat de prédilection pour se concentrer sur son environnement proche. Il a commencé à observer les chiens des rues en 1979 pour pouvoir établir des itinéraires canins au long cours, raconter des vies de chiens quand les loups résistent et protègent leurs données personnelles en se soustrayant aux regards humains. Cette étude, il l'a menée pendant 3 décennies, durant la perestroïka, puis par-delà la chute du mur, les années 90, pleines de nouveaux riches et de nouveaux pauvres, de gens et de chiens des rues. Actuellement, à Moscou, il y a très peu de chiens errants. Je pense qu'il y en a environ entre 1500 et 2000 individus, essentiellement vivant en périphérie de la ville et dans les friches industrielles. En revanche, en 2006, lorsque nous avons réalisé un comptage dans la ville de Moscou par méthode d'extrapolation, nous sommes arrivés au chiffre de 26 000, rien que pour Moscou. Et donc, cette population a été énorme. Il faut dire qu'à cette même époque, la population des loups, sur toute la Russie, s'élevait à 50 000 individus. Cela veut dire que rien que dans la ville de Moscou, la population de chiens égalait à un peu moins de la moitié de la population des loups de toute la Russie. Généralement, ce sont des groupes de 10 chiens. J'ai observé aussi des plus grands groupes, 15-20 chiens, mais c'est très rare et ce ne sont pas des entités stables. Pour ce qui est le leadership au sein du groupe, et ça c'est la plupart des cas, c'est les mâles qui sont donc les leaders de groupe, mais il y a également des groupes dans lesquels le leader c'est une femelle, une chienne. Ensuite, pour ce qui est toujours le leadership, il y a les différents types de domination. Il y a des leaderships de type dur, quand il y a des individus dominants, très despotiques, qui ont un accès absolument en premier vers l'alimentation, quand il y a une chienne en chaleur, accès à la chienne, et d'autres qui fonctionnent différemment, avec des leaders soft, qui ne font pas preuve d'agression vis-à-vis des autres individus, pratiquement jamais. Au contraire, ils les soutiennent, les encouragent. Et ce qui est également un facteur prédominant dans l'organisation de différents groupes de chiens, c'est comment ces chiens obtiennent la nourriture, donc leur stratégie de recherche des aliments. Et le deuxième facteur, c'est l'attitude envers l'homme. Et donc, en fonction de ça, le premier type de chien que j'ai distingué serait les chiens abonnés qui reçoivent régulièrement l'aliment dans un lieu donné, des personnes qui connaissent, donc ils développent le lien personnel avec ces personnes. Et ces chiens errants sont en partie gouvernés par l'homme. La deuxième catégorie, c'est les chiens quémandeurs. Ce sont des chiens quémandeurs qui sont particulièrement nombreux, dans la ville de Moscou. Et en fait, c'est des chiens qui sont postés à des endroits où il y a beaucoup de passants, mais qui sont des fins psychologues parce qu'ils ne demandent pas à tous, ils savent très très bien à qui ils peuvent demander. Et donc typiquement, c'était des bouches de métro de Moscou ou alors en face des gastronomes, des grands magasins ou des cantines. Il y a aussi des chiens qui sont des fins connaisseurs de géographie de la ville, qui connaissaient bien les cantines, les restaurants, les fins de marché. Et la quatrième catégorie, beaucoup plus rare, c'est les chiens qui font la chasse, donc qui ont une véritable stratégie des prédateurs. Et ils peuvent chasser des petits rongeurs, des rats de la ville, mais dans les conditions de la ville, ça ne peut pas être autosuffisant comme stratégie, par exemple, contrairement aux loups, et ça ne devient qu'un complément pour ces chiens. Mais ces chiens font la chasse nocturne. И обратите внимание, что очень интересно, что, скажем, вот стратегия попрошайничества. Et il faut noter que grâce à ces stratégies, les chiens arrivent à considérablement élargir leur niche écologique, car ils n'ont pas cette ressource, mais en adoptant son comportement, ils arrivent à l'obtenir, cette ressource supplémentaire. Des chiens qui traversent la rue, au bonhomme vert, prennent le métro et descendent à la bonne station, en banlieusard aguerri. Les chatons mignons trouvaient à Moscou un adversaire de taille en la personne du stray dog, le chien des rues, à qui on consacrait même des forums sur la toile russe il y a une quinzaine d'années. À la station Mendeleïevskaya, la statue de Malchik veille comme un dieu l'art. Ce chien mascotte, habitué du métro, a été poignardé par une passante. Les moscovites lui ont dédié un monument en 2001. Но сейчас ситуация драматически изменилась, потому что новый мэр Москвы Собянин. Aujourd'hui, la situation a dramatiquement changé. Le nouveau maire, le maire actuel, Monsieur Sabianin, est catégoriquement contre la présence des chiens et de manière générale, l'état d'opinion a changé. Et aujourd'hui, on met tous les chiens dans les chenils. Et d'ailleurs, c'est un élément nouveau, c'est, je l'ai entendu hier, qu'on pense à une campagne d'extermination des chiens errants à cause du coronavirus, parce qu'on pense que potentiellement les chiens peuvent être vecteurs et répandre le virus dans la ville, même si c'est n'est absolument pas prouvé. Ce n'est pas encore devenu politique officielle, mais en tout cas, c'est parvenu hier jusqu'à mes oreilles. Dans vos biographies animales, Éric Baratet, vous étudiez le cas de chiens des rues, de chiens semi-errants, comme on les rencontre plus aujourd'hui, depuis que la divagation est interdite. Alors effectivement, nous, en Occident, nous ne connaissons plus les chiens errants. Mais les chiens errants sont très nombreux en Amérique latine, en Afrique. C'est vraiment l'Amérique du Nord, l'Europe et les pays occidentaux du Pacifique qui ont éradiqué les chiens errants. Alors l'idée d'éradiquer ces chiens errants, elle est évoquée à partir du XVIIIe siècle, c'est l'époque où, à fin XVIIIe, on invente les fourrières. Mais les choses vraiment prennent vraiment une allure réelle un siècle plus tard, à partir de la fin du XIXe siècle. Et on peut dire que l'éradication est faite dans les années 1940-1950. Et depuis, nous ne connaissons plus, alors on a des chiens qui divaguent, mais nous ne connaissons pas le chien errant par nature, qui est un chien très particulier, qui remplissait les villes au XIXe siècle. Hein. L'interdiction de la divagation, elle date de quand ? Ah, il n'y a pas de date, parce que ce sont... Il n'y a pas de loi ? Y a pas, non, parce que c'est quelque chose qui a été mis en place par les municipalités. Hein, donc ça s'est mis en place à peu près en même temps entre fin XVIIIe et XIXe siècle, mais fin XIXe siècle, mais ça a pris quand même un siècle. Les villes qui ont commencé, par exemple en France, c'est Lyon et Paris. On a interdit la divagation des chiens errants, mais entre l'interdire et la réalité, il y a eu presque 150 ans, hein, parce qu'il a fallu se donner les moyens aussi. Hein. et les moyens étaient assez artisanaux. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les fourrières, bon ben on attrape les chiens au lasso, et puis le gros problème, c'est comment les éliminer. Donc on les élimine à coups de hache, en les noyant dans des bassins, en les pendant. Et en fait, c'est l'invention des chambres à gaz, à la fin du 19e siècle, qui va permettre l'éradication d'une manière industrielle. Parce que là, on peut en fourner des tonnes. Chambres à gaz mises en place sous l'impulsion des SPA, pour éviter des agonies trop dures. Et les SPA de l'époque étaient favorables à l'éradication des chiens errants parce qu'elles étaient pour le modèle du chien de compagnie. Les chiens errants avaient très mauvaise presse. Et donc, ça a été longtemps une figure noire empêchant la diffusion du chien de compagnie. J'aime bien cette photographie donc de la collection Pierre de Gigord. On a la date. Ça a été pris entre le 19 février ou le 3 avril 1910 par des voyageurs européens, allemands, semble-t-il, lors d'une croisière. Et on est à Galata et on voit ces chiens, il y a des chiots, on voit les enfants qui les regardent. Et... oui, il y a un homme qui sans doute va leur donner peut-être à manger. Et c'est justement un mois avant les rafles. Catherine Pinguet, vous êtes écrivaine, chercheuse, et vous avez étudié l'Empire ottoman, et en particulier les chiens à Constantinople, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Les rues de Constantinople étaient pleines de chiens, de chats. Bon, l'idée de départ, c'était tout à fait par hasard, c'est que je connaissais un homme qui vendait des tapis, enfin qui vivait aussi de mendicité, et qui circulait toujours avec ses trois chiens, Osman. Et j'ai décidé de le suivre, de m'entretenir avec lui, et surtout, il m'avait dit qu'au moment du tremblement de terre, donc j'étais à Istanbul, en 1996 ou 96, je me rappelais plus que c'était un vendredi. Il m'avait dit, ça s'est passé, il y a eu le tremblement de terre parce que les gens maltraitent les animaux. Et pour lui, c'était un châtiment divin. Les chiens d'Istanbul, à cette époque, ne sont pas dans les habitations des animaux de compagnie? Non, parce qu'il y a une tradition en islam comme quoi il ne faut pas, il est formellement interdit, d'avoir des chiens dans les maisons. Il y a des hadiths, par exemple, que les anges ne pourraient pas rentrer. Et puis c'est une créature impure. Mais ce qui ne signifiait pas qu'on pouvait, on pouvait avoir une forme de compassion, au moins nourrir. Il y avait des endroits où on leur donnait à boire, aux chats et aux chiens. Donc il y avait cette cohabitation qu'il ne faut pas non plus l'enjoliver, comme certains l'ont fait. Mais il y avait énormément de chiens et c'était les musulmans qui prenaient fait et cause pour ces chiens. Alors ils se nourrissaient des déchets. Donc il y avait une distribution parfois de nourriture, on a des photographies par exemple de ces cottages, donc les gardiens d'immeubles, en plus à Pera c'était des maisons en pierre et à étages, ils ramassaient ces déchets, ils les distribuaient aux chiens. Les chiens des rues, qui ne sont pas des chiens errants, ils étaient délimités dans les quartiers, un pâté de maison, une rue, ils n'erraient pas beaucoup, comme ils étaient nombreux, ils formaient des sortes de meutes, ils ne chassaient pas. Donc vraiment, leur subsistance dépendait de l'homme. Alors ils étaient acceptés dans certains quartiers, donc ce qu'on appelle les quartiers traditionnels, et beaucoup moins dans le centre-ville européen, qu'on appelait Pera, maintenant Beolo. Et là, il y a eu très tôt des campagnes d'empoisonnement. Quand on lit la presse de l'époque, et le français était la langue vraiment la plus parlée à l'époque, donc il y avait des journaux locaux en français, tous parlaient de ces chiens. Et ils demandaient à ce que on s'en débarrasse. Et en 1910, les autorités jeunes turques décident de se débarrasser de ces chiens. Bon, il y a la révolution jeune turque, tout le monde est enthousiaste. Ce sont la plupart des adeptes du positivisme. Donc ils ont été formés en Europe, en France, les leaders. Et pour eux, ils vont prendre le modèle européen, tout simplement. Et ils vont décider de se débarrasser de ces chiens. Ça a été décrété sans trop savoir ce qu'on allait en faire, puisqu'au départ, ils les ont parqués le long des murailles, dans des enclos, mais ils étaient beaucoup trop nombreux, la population a protesté. Et il y a donc un médecin. Tous ceux qui écrivent sur les chiens d'Istanbul sont des médecins, en fait. Ils écrivent même des opuscules. Et donc c'est le docteur Remlinger qui, lui, était pendant 10 ans responsable de l'Institut antirabique et de l'Institut impérial de bactériologie. Donc il écrit un article dans une revue qui s'intitule « La décanisation de Constantinople ». Et il propose donc, pour faire œuvre de salubrité publique, de rejeter les procédés donc, qui avaient été déjà utilisés, comme l'empoisonnement, la destruction des portées ou bien la castration. Et lui va proposer de les capturer la nuit, parce qu'il savait très bien qu'une partie de la population allait s'y opposer. Et il écrit, les classes pauvres musulmanes, que des croyances conduisent à protéger l'animal faible et sans défense. Donc c'est ce qu'il proposait, et une fois capturés, il prévoyait de les expédier en périphérie de la ville, donc là des fourrières, sur le modèle européen, mais il proposait des enclos reliés au gaz de ville, donc de les gazer, et après des ateliers de dépeçage, et donc pour lui on pouvait tout recycler chez le chien, les os, la peau, la chair, tout. Et il en arrivait à ce constat qu'avec 100 chiens éradiqués par jour, en l'espace de 2 mois, la décanisation serait achevée et elle rapporterait à la municipalité un bénéfice de, disait-il, 250 000 francs. Autant de solutions toutefois qui ne seront pas choisies par les jeunes Turcs qui décident de déporter les chiens. Alors oui, ils ont été raflés de manière relativement violente. Les photos sont absolument terribles. C'est des lassos, des grandes pinces. Et après, ils les mettaient dans des caisses. Et après, ils les embarquaient sur des bateaux. Combien de chiens y avait-il à peu près, si on peut faire une estimation, dans les rues de Constantinople ou d'Istanbul? À l'époque, oui, pour les Européens, c'était Constantinople. Remlinger, il est assez fiable, puisqu'il était directeur de l'Institut Pasteur. Et puis, il y avait le taux de mortalité par les services municipaux. C'était entre 60 et 80 000. Istanbul, à l'époque, avait une population d'1 million d'habitants. C'était une grande ville à l'époque. Donc, ils les ont envoyés sur cette île déserte. En fait, je m'y suis rendue, c'est vraiment un rocher pointu. Le journal, 4 octobre 1910. Georges Coursat, alias Sem. J'ai vu de près cette fameuse île des chiens. C'était un hideux spectacle, et j'ai vraiment de la répugnance à en évoquer le souvenir. Enfin voilà. Mon ami J.H. m'avait invité à le rejoindre à Constantinople sur son yacht au mois de juillet dernier. En arrivant, je m'attendais, d'après la légende, à voir les ruelles de Stamboul uniquement pavées de chiens et de bonnes intentions. Mais à ma grande surprise, les chiens avaient presque tous disparu. Qu'était devenue cette population de chiens? Car ils étaient, dit-on, 80 000. On m'expliqua que par mesure de propreté, et aussi je pense par jeune turquerie, la loi musulmane interdisant de les détruire, on les avait déportés en masse dans une petite île d'agrément de la mer de Marmara, appelée île Oksaya, aux environs de Stamboul. Il courait déjà des bruits sinistres sur cette île. On prétendait que ces malheureuses bêtes, privées d'eau et de nourriture, se dévoraient entre elles. Mais au cours d'un dîner offert à mon ami par Talaat Bey, ministre de l'Intérieur, et auquel j'assistais, son Excellence nous affirma avec un sourire rassurant que cette mesure avait été prise par Muhyiddin Bey, gouverneur de Péra, que 30 000 francs avaient été votés par le Parlement pour l'entretien de ces chiens, qu'ils étaient très bien soignés et nourris aux frais de l'État. Nous fûmes tout à fait tranquillisés et même attendris à la pensée de ce mont Athos des chiens, de cette colonie idéale de bons toutous, vivant libres et heureux sur cette Isola Bella. Or, un beau soir, nous étant attardés dans un des faubourgs de Stamboul, dans le silence des petites rues désertes, nous fûmes surpris d'entendre des hurlements affreux, le bruit précipité d'une fuite, tout un tumulte de tueries. Et nous vîmes accourir vers nous une des dernières bandes de ces pauvres chiens. Leur troupe hurlante passa tout près de nous en nous bousculant dans une panique de rafles. ils étaient poursuivis, traqués, par trois brutes sordides, de terribles Kurdes à tête d'égorgeur, le crâne enturbanné de haillons, qui les saisissaient à l'aide d'énormes pinces en fer, d'un mètre de long pour le moins, les happaient au hasard par le cou, par une patte ou la peau du ventre. Ils tenaillaient en plein dans le tas grouillant des chiens, les traînaient dans la poussière et les cailloux, et les jetaient, pantelants, comme de simples Arméniens, dans une espèce de tombereau attelé de buffles, d'où sortaient des grognements, un épouvantable vacarme de massacre. Dès lors, nous étions fixés sur la sollicitude officielle, et nous nous promîmes bien, à notre départ, de faire en passant par la mer de Marmara un détour jusqu'à l'île des Chiens. On avait ralenti la marche du yacht qui avançait lentement, prudemment, dans cet air empesté. Maintenant, je pouvais mieux distinguer l'île. Toutes ces pierres que j'avais cru voir danser et vibrer sous l'ardeur du soleil, c'étaient des chiens, jaunes comme les rochers, avec lesquels je les avais confondus. Il y en avait des milliers et des milliers. Les plus nombreux se pressent, se bousculent sur la grève. Ils montent les uns sur les autres pour atteindre l'eau, cherchent à rafraîchir leurs membres cuits par le soleil et brûlés de fièvre. Beaucoup d'entre eux nagent, se battant dans la mer, se disputant des charognes qui flottent de tous côtés. Quelques-uns, à moitié morts de soif, essaient de boire l'eau salée. À terre, ce ne sont que sauvages mêlés de chiens qui s'arrachent des cadavres. Des groupes fuyant la morsure du soleil s'entassent dans les creux d'ombre et comme les rayons tombent d'aplomb, ils utilisent les moindres saillies. D'autres enfin, atteints d'une sorte de folie, courent, s'agitent comme des possédés. Leurs cris nous arrivent distinctement, portés par l'eau calme. Ce ne sont pas des aboiements, mais de longues plaintes humaines. Maintenant, on voit des bandes qui nage désespérément vers nous. Le yacht en est bientôt environné. Ils sont tout prêts à nous toucher, essayant de s'accrocher aux parois glissantes du navire. Nous nous éloignâmes de toute la vitesse du bateau, poursuivis par ces cris de damnés et cette odeur de peste. En fait, ce qui m'a interpellé tôt, c'est que ceux qui étaient chargés de capturer ces chiens, qui faisaient le sale besogne, c'était des gens stigmatisés. C'était les Kurdes, les Gitans, et donc voilà. Ça en dit long quand même. L'extermination des chiens, c'est 1910, et un an plus tôt, les autorités jeunes turques avaient passé une loi afin de surveiller et de contrôler les vagabonds et les individus à risque. Les mendiants, enfin, qui fonctionnaient par corporation à l'époque, et on les jugeait déviants ou alors leur activité obsolète. Comme les portefeuilles, les veilleurs de nuit, et ceux qui côtoyaient justement le plus ces chiens. Et qui les connaissaient le mieux. Qui les connaissaient le mieux, oui. Une fois que cette décanisation est terminée, est-ce que les chiens des rues disparaissent véritablement? Est-ce que finalement les jeunes Turcs ont accompli ce qu'ils souhaitaient accomplir? Ben non, pas du tout, puisqu'il n'y a pas de, il n'y avait pas, il n'y a toujours pas, de loi interdisant, comme nous en Europe, hein, dès les années 1850, on n'a pas de loi qui interdise l'errance canine. Donc ce qui fait que 2 ans plus tard, il y a un nouveau maire, encore un médecin, le docteur Topuzlu, qui dit, quand il prend ses fonctions, il y a 30 000 chiens dans les rues d'Istanbul. Et il se fait un plaisir de les liquider, il ne dit pas comment, sans doute avec l'envoi en fourrière. Et d'ailleurs, il dit qu'il envoie aussi les mendiants dans des maisons spéciales, créées pour cela. Maintenant, ce qui se met en place, c'est une campagne de stérilisation. Donc, depuis une quinzaine d'années, on reconnaît les chiens parce qu'ils ont un clip à l'oreille, mais il n'y a pas vraiment de suivi. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chiens dans les fourrières qui sont raflés la nuit, hein. Mais c'est quand même la stérilisation qui est mise en avant. Alors le problème, c'est que ces chiens ne sont pas toujours relâchés sur le lieu de capture, mais ils sont relâchés dans les forêts. À côté d'Istanbul ? Alors, il y a deux grandes forêts, enfin, il y avait, je devrais dire. Il y a deux grandes forêts, la forêt de Belgrade en Europe et la forêt de Baikose en Asie. L'argument, c'est que c'est leur milieu naturel. Évidemment, ce n'est pas leur milieu naturel. Ils sont nés dans un milieu urbain, avec des êtres humains. Dans la forêt, ils ne peuvent pas se nourrir. Donc, ce sont les associations qui s'occupent de ces chiens. Quand j'ai quitté Istanbul, bon, je n'ai pas pu ramener tous mes chats, évidemment. Donc, j'avais loué un appartement à Ibilada. Il n'y a pas de voiture, en plus, là-bas. Mais en fait, mes chats, trois d'entre eux, ont été tués par des chiens. Et qui n'étaient pas des chiens des rues. C'était des chiens qui venaient de la forêt. Et ça, je l'ai compris un peu tard. Est-ce que ces chiens des rues qui vivent le plus éloigné des humains, en périphérie, dans la forêt, sont en train de redevenir loups, Jean-Denis Vigne, comme on peut les trouver par exemple en périphérie de Moscou? Alors, en termes comportemental, en termes social, ils n'ont plus de relation directe avec l'homme, ils s'en cachent. Ils s'en éloignent, ils ont une vie nocturne, donc ce sont effectivement, ça correspond à ce que j'ai appelé les chiens jaunes, hein, des chiens vraiment revenus de façon comportementale à une vie de canidés sauvages. Pour autant, génétiquement, ce ne sont plus des loups. En d'autres termes, il y a des millénaires et des millénaires d'évolution morphologique, génétique, comportementale, qui font que ces chiens, même s'ils ont encore ces réflexes et ces comportements-là, ne sont plus du tout comparables aux loups. Ils ont un génome, ils peuvent se croiser avec des loups, bien sûr, ils restent interféconds, mais ils ont acquis des particularités génétiques qui font que ce ne sont plus des loups de toute façon. Et on les reconnaît bien d'ailleurs par rapport aux loups. Андрей Поярков. Тут надо сказать, надо маленькое предисловие. Вообще говоря, для бездомных собак. Pour ce qui est la guerre des chiens, ici je dois faire une petite préambule, parce que de manière générale, la manifestation d'agressivité, c'est quelque chose de très très rare entre les différents groupes de chiens, contrairement aux loups. Chez les loups, lorsque les deux meutes se rencontrent, très souvent ça va vers l'affrontement et ça peut être mortel. Donc les loups qui évoluent sur des aires beaucoup plus grandes, ils essaient normalement de s'éviter. Les chiens ne peuvent pas se le permettre. Ils vivent avec une densité beaucoup plus forte. Comme je vous ai dit, 26 000 à l'époque, il fut un temps. Et donc, ils se rencontrent beaucoup plus souvent, beaucoup plus intensément au quotidien. Et ça peut se passer en des termes très paisibles, surtout si les chiens se connaissent déjà auparavant. Ils se saluent, ils peuvent se renifler, vérifier l'état de leur chienne, et ensuite se dire au revoir et partir sans brouille. Mais il y a des situations d'un tout autre type. Les chiens peuvent entrer en conflit, par exemple entre les deux mâles en confrontation. Et c'est là où je fais une analogie d'un état de guerre. Parce que quand les chiens entrent en cet état, c'est un état psychologiquement très dramatique pour eux. Parce que lorsque c'est des agressions normales, il y a toute une série de tabous dans le monde des chiens. Pour vous donner un exemple de tabou, les chiens mâles ne sont pas très agressifs vis-à-vis des femelles, ou les chiens adultes ne mordent pas les chiots. En revanche, lorsque c'est la guerre, tous ces tabous sautent. Le groupe ennemi est considéré vraiment comme un ennemi que l'on essaye de détruire, soit psychologiquement, soit physiquement. Et j'ai vu des chiens tués par d'autres chiens. Et c'est un phénomène normal pour la guerre des chiens. Donc, j'ai assisté à quelques guerres et tout dépend qui entre en confrontation, mais je voudrais décrire notamment une où il y a deux groupes de chiens très différents en fonction de leadership qui est entré en confrontation. Un groupe, le groupe de Pegasha, ça c'est le nom de chien leader, qui était un chien très bagarreur, très, un dominant très dur, un leader despotique. Et le deuxième groupe, qui était dirigé par un chien que j'aimais beaucoup, je l'appelais Pan. C'était un chien très joyeux. Il était grand, roux, et juste sur le museau, il y avait une marque blanche. C'était un leader très, très démocratique, si l'on peut dire. Et donc, la guerre a été initiée par le groupe de Pegasha. Mais ce chien despote, c'est lui qui a initié la guerre, mais il l'a perdu parce qu'il a fait trop de pression sur les autres chiens de sa groupe, et notamment sur son principal aide, le gros chien Vandal, que j'appelais Vandal, et qui tout simplement s'est écarté du groupe pendant le temps de la guerre. Et du fait de cette défaillance de Vandal, la guerre a été perdue pour Pegasha. Et je vois ici une explication à la fois psychologique et physiologique, parce que cette guerre entre différents groupes, ça crée un stress énorme qui est très très difficile de canaliser. Et Pegasha, le chien Pegasha, il le canalisait sous forme d'agressivité contre les autres chiens de son propre groupe. Et c'est pour ça qu'il a perdu la guerre. Et au contraire, Pan, cet autre leader, il avait un comportement différent. Il canalisait le stress vers les comportements positifs. Par exemple, il venait en aide des chiens de son groupe. Il les léchait et il essayait de jouer avec eux pour remonter le moral. Littéralement, pour remonter le moral des troupes. Donc on arrive au bout du cimetière. Juste derrière, là, il y a un espace vert très joli sur lequel on peut venir disperser les cendres de son animal. Il y a quand même pas mal de tombes qui rappellent des rites funéraires égyptiens. Les chiens sont des animaux qui ont de nombreuses valences symboliques. Tantôt, ils sont associés à la force ou à l'affection, à la fidélité. Tantôt, ils sont associés au charognage et à une relation avec le monde des morts ou avec les objets sales. Et selon les sociétés humaines et même selon les moments ou peut-être selon les groupes de chiens, toutes ces valences se croisent. Et ça c'est passionnant, et on le retrouve un petit peu en archéologie, selon la manière dont sont traités les restes des chiens morts, hein, qui sont parfois jetés avec les ordures, parfois enterrés pour eux-mêmes dans une sépulture, parfois même enterrés avec l'homme. Il y a des gens qui viennent quasiment, je vous dis, pas tous les jours, mais presque. Alors là, je parlais de cette dame qui vient quasiment tous les deux jours, et qui s'occupe des trois tombes. Là. Il y en a même une qui est en attente, hein. Il n'y a pas de nom. Elle a son petit chien Elvis, qui est mort en 2010. Didier Chatin. Où elle a marqué hein, « Mon fils bien-aimé, ta maman, qui ne t'oubliera jamais ». Puis là, Miss, qui est juste à côté, « À ma fille inoubliable, ta maman qui t'aime ». Alors non seulement elle s'occupe des tombes de ses chiens, mais c'est elle qui entretient toutes les tombes qui sont autour. Il y a du petit gravillon. C'est vrai que dès qu'on arrive ici, c'est beaucoup plus joli qu'ailleurs. Et elle m'avait raconté tout l'amour qu'elle avait porté à ces animaux. Elle m'avait dit, j'ai fait une dépression, c'était terrible, c'était terrible. Raton, 1970-1983, Ulysse, 1983-1993, Tabou, 1970-1986, Joker, 1994-2012, À mes chéris, Catherine, 1968-1983, Biscotte, Maya, Agathe, Fétiche. Ces chiens-là, donc les chiens d'Istanbul, on ne va pas dire que ce sont des chiens domestiques, parce qu'ils ont des interactions avec l'homme, mais qui ne passent pas par la propriété, qui ne passent pas par le dressage. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est ce lien ? Alors c'est le lien de, en turc on dit toujours « sokak peklej », hein, c'est-à-dire le chien des rues. Il appartient à la rue. Catherine Pinguet. Alors on dit des fois « chien errant » ou plutôt en turc, traduction exacte, c'est « sans propriétaire », mais c'est limité au texte de loi ou à la protection animale. Mais bon, des chiens, il y en a de moins en moins. Hein. Il y en a... Quand j'habitais à Istanbul, il y avait encore des groupes de chiens. Mais non, c'est... non, il n'y en a plus du tout. Il y en a, hein. Il y a des gens qui ne les voient pas, mais il suffit de d'ouvrir les yeux, il y en a encore. Mais c'est un côté aussi nostalgique. C'est que cette ville a tellement changé ces 10-15 dernières années qu'on tient à la vie de quartier. C'est une entité forte en Turquie, le mahalle, la vie de quartier. Donc si ce chien est là, il est sur la place, les gens y sont attachés. Et dans des tas de quartiers, hein. Même et les quartiers pauvres. Et les habitants, ou certains habitants, se cotisent pour leur offrir des soins, pour les... Ils se cotisent, ou bien c'est des... Par exemple, il y a un marché ou à Beşiktaş ou à Kadıköy, c'est les bouchers qui les nourrissent, ou qui leur... On fait des niches aussi, bon, beaucoup plus pour les chats, mais aussi pour les chiens. Alors maintenant, quand il y en a qui meurent, des chiens qui vraiment étaient représentatifs d'un quartier, ils mettent une statue du chien. J'en ai vu une à Moda, derrière Kadıköy, que je ne connaissais pas, et au pied de la tour de Galata, qui est quand même touristique, hein, et lui s'appelait Tashkaf, qui veut dire tête de mule. Parce qu'il avait cette tête, quoi, donc il est mort de vieillesse. Une vie sans animaux, c'est triste. Ah bah oui. Enfin, une ville sans animaux, ce serait absolument terrifiant. Mais bon, à Paris, quand même, on s'ennuie un peu, hein. Bon, je ne suis pas non plus pour les chiens errants, ni pour les... Mais il n'y a pas beaucoup de chats non plus, enfin bref. J'ai trouvé un chien errant à Paris. Où ? Dans un cimetière. En sortant des obsèques d'un ami, qui a été terrifiant d'ailleurs, un ami peintre, j'ai vu un chien jaune. Et j'ai cru que c'était une hallucination. Et depuis, je le cherche et je ne l'ai jamais revu, mais il existe. Il y a un chien dans un grand cimetière qui vit là. Alors les gens le nourrissent, ils ne s'approchent pas trop. Et je ne l'ai vu qu'une seule fois. Et chaque fois que je passe par là, j'y passe régulièrement. Voilà, il y a un chien errant, enfin, en sans propriétaire à Paris. Il est jaune. En plus. Oui. C'était Chien fidèle et Paria du pavé. Avec Catherine Pinguet, Jean-Denis Vigne, Andrei Poyarkov, Éric Baratet et Didier Chatin. Traduction Natalka Boyko-Jacura. L'extrait de L'île aux chiens de Sem est lu par Christophe Brou. Merci à Claude Bruyot et à Christiane de Robert pour son article sur le cimetière animalier d'Anières. Enregistrement Thomas Robin, Loïc Duros et Audrey Guélil. Mixage Alain Joubert. Un documentaire de Marie Chartron et Anne Fleury. Chien des rues, génisse, gorille, puce ou petit chaton, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter Ozo, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, on ira débattre à l'université.